Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, l'affaire Charles Marion. Il était deux individus, ils avaient des cagoules tous les deux. Bon, ils parlaient... est-ce qu'ils parlaient français ou anglais? La discussion n'a pas été très longue. D'accord. C'était surtout des mouvements. Ouais. Ils m'ont retourné de bord. Est-ce qu'ils vous ont fait mal? Non. Il n'y a pas eu de... Non. Bourrasser un peu, si tu veux, par les épaules, là, mais pour me faire mal, non. Je me suis dit, à ce moment-là, ils veulent mon argent. Ils veulent l'argent de Mademoiselle Liergeau qui avait avec moi. Oui. Et puis après ça, ben, ils vont nous attacher, puis je trouverai bien un moyen pour me défendre. C'est le 6 août 1977 que Charles Marion, qu'on entend ici raconter son histoire à Gaby Drouin, est kidnappé à son chalet des Cantons de l'Est. Il sera détenu dans d'atroces conditions pendant 82 jours. Ses ravisseurs demandent d'abord une rançon d'$1 million à la Caisse populaire où il travaille pour sa libération. Ils accepteront finalement les $50 000 que leur offrira la famille. Ses ravisseurs vont être arrêtés, vont être jugés. Charles Marion, quant à lui, ne se remettra jamais de son enlèvement, encore aujourd'hui considéré comme le plus long enlèvement de l'histoire du Canada. Je suis malheureux, terriblement malheureux, vous ne pouvez savoir jusqu'à quel point. Je veux sortir en vie absolument, je veux vous voir. Faites l'impossible pour que je vous voie. Dites à la police de ne pas intervenir. Extrait d'un reportage de Bernard Drinville au Téléjournal le 6 août 1997, 20 ans, jour pour jour après l'enlèvement de Charles Marion. Dans cet extrait, on entend Charles Marion supplier sa famille de tout faire pour qu'il soit libéré. Pour nous raconter l'histoire de Charles Marion, qui deviendra d'ailleurs l'affaire Charles Marion, ma collègue journaliste de Radio-Canada en Estrie, Annie Corriveau. Annie, vous avez, il faut le spécifier, vous avez rencontré le fils de Charles Marion lors de la sortie de son livre « Victime au banc des accusés » qui a été publié en 2013. Oui. Et Annie, on peut dire que Pierre Marion, aujourd'hui encore, est très amer du sort qui a été réservé à son père au moment de ces événements. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Il est très déçu, fâché, malgré que les faits se soient passés il y a presque 40 ans. La blessure est encore très grande. Il en veut aux ravisseurs qui ont enlevé son père. Il en veut aux policiers. Il en veut aux médias aussi. Pierre Marion a écrit ce livre il y a 2 ans pour rétablir un peu la réputation de son père qui a été soupçonné de complicité avec les ravisseurs dans cet enlèvement. Il a décidé de fouiller dans les archives, dans ses souvenirs et dans le récit que son père avait fait aussi des événements. Vous l'avez dit, c'est une prise d'otage qui s'est étirée dans le temps pour en faire la plus longue de l'histoire du Canada. En fait, on parle de 82 jours de captivité. Là, c'est énorme. Ouais. Et puis, il s'en remettra jamais. Puis, on en parlera un peu plus tard au cours de cette émission. Mais ça aussi, de ça, de ce que ça donnera pour la suite des choses. Pierre Marion est très, très amer, au fond, de la façon dont ça va complètement détruire la vie du père et de la famille. Mais on y reviendra. Avant de remonter le fil des événements comme tel, Annie, peut-être nous dire, nous rappeler qui était Charles Marion? Oui, ben Charles Marion, c'était le gérant de crédit à la Caisse populaire Sherbrooke-Est. Il travaillait pour le mouvement Desjardins depuis une trentaine d'années à l'époque. C'était un père de famille de 57 ans dont les enfants étaient déjà adultes. C'est un homme, en fait, sans histoire, qui adorait la chasse et qui aimait passer du temps à la campagne, à son chalet, qu'il avait baptisé Mon Repos à Stokes. C'est une petite localité, une vingtaine de kilomètres au nord de Sherbrooke. Et c'est d'ailleurs à ce chalet, sur le rang 11, qui a été enlevé le 6 août 1977. Et le soir de l'enlèvement, bon, il était en compagnie de sa collègue de travail qui était aussi sa maîtresse depuis quelques années. Il se trouvait dans une petite maisonnette sur le terrain lorsqu'il y a 2 individus armés et avec un bon nylon sur la tête, là, l'ont interpellé par son nom, ils l'ont immobilisé, amené à l'arrière de sa propre camionnette où il a dû se coucher à l'arrière sur le plancher. Et sa compagne, elle, a été ligotée et abandonnée sur place. C'est la femme de Charles Marion qui a eu la surprise de la trouver là le lendemain. Elle était inquiète de voir que son mari ne donnait pas de nouvelles. Donc, elle a eu 2 surprises cette journée-là, la présence de cette femme et la disparition de Charles Marion. Et c'est à ce moment-là que le signalement a été fait à la la police. Et c'est de cette façon-là qu'a débuté le long calvaire pour Charles Marion et sa famille. Oui. Et très, très vite, à la suite de cet enlèvement-là, il y a des négociations qui vont s'engager avec les ravisseurs parce que c'est ça l'objectif. Hein. Ils veulent vraiment soutirer de l'argent. Ils travaillent à la caisse. Ils disent, tiens, on a un bon poisson. On va en tirer profit. On écoute à propos des négociations qui se sont faites aussi par la voie publique, un extrait d'un reportage à l'époque de Paul Toutant, le 12 août 1977. Voici un message d'intérêt public. Monsieur Nebbutt est prêt à faire une certaine livraison avec les garanties réelles d'usage. Indiquez sans délai un code de restriction. Ce message a été diffusé deux fois sur les ondes de CHLT. On suppose maintenant que le contact est bien établi entre les caisses populaires et les ravisseurs de M. Marion. On se rappelle que les bandits demandaient une rançon $2 millions, mais on ignore si ce montant a été réduit. À Sherbrooke, des dizaines de journalistes essaient de faire leur métier sans mettre en danger la vie de l'otage. La Sûreté du Québec est extrêmement prudente dans ses déclarations, ce qui incite une certaine presse à sensation à élaborer des hypothèses souvent farfelues. On sait maintenant que la famille de M. Marion a reçu une lettre lundi, lettre qui a été interceptée par la police. Une photographie montrant M. Marion légèrement ensanglanté a également été reçue. Aucun autre détail n'a été confirmé par M. André Dugas, responsable des communications à la Sûreté du Québec. Alors, Annie Corriveau, comment ça se déroule concrètement ces négociations avec les ravisseurs de Charles Marion? Qu'est-ce qu'ils demandent d'abord, ces ravisseurs, et avec qui ils négocient? Oui, bien, la demande des ravisseurs a semé d'ailleurs un vent de stupéfaction parce qu'ils réclamaient $1 million. C'est encore aujourd'hui une somme considérable. Alors, imaginez, en 1977, et le premier message des ravisseurs est arrivé le 8 août, deux jours après l'enlèvement, dans la boîte d'un dépôt de nuit d'une caisse populaire à Sherbrooke, et le message était signé « Les sept serpents ». Il semble que lorsque Charles Marion a su le montant de la rançon demandée, il était complètement découragé, disant que la caisse ne paierait jamais ça pour lui, qui n'était qu'un petit gérant de crédit, ne comprenait pas trop pourquoi lui avait été enlevé par les ravisseurs. Et bon, évidemment, la famille était complètement atterrée. L'attente est devenue aussi interminable. Tout le monde s'est réuni dans la maison familiale et attendait. C'est d'ailleurs devenu un véritable quartier général. Les policiers faisaient le guet, les médias aussi faisaient le pied de grue pendant des semaines. Et les ravisseurs, comme on a pu le constater dans l'extrait que vous nous avez présenté, utilisaient beaucoup les médias pour négocier et faire passer leur message. La radio, la télé, les journaux locaux ont tous reçu à un moment donné ou à un autre un communiqué de la part des ravisseurs et la caisse, les autorités de la caisse répondaient aussi par code, par les médias, selon les instructions données par les ravisseurs. Et les messages ont aussi été trouvés sur des bancs publics, même dans des pare-brises de voitures. Ah bon? Oui, donc l'histoire était vraiment suivie par tout le monde, sur toutes les lèvres d'ailleurs. Hein, à l'époque, tout le monde s'en rappelle ici dans les cantons de l'Est. Donc, utilisation des médias. Oui. Et de fait, il y a deux journalistes, Annie, je pense à Claude Poirier et à Normand Maltais, qui vont être mêlés carrément au dossier. Oui, ces deux journalistes ont été choisis pour être des émissaires. Entre autres, lorsque la caisse et les ravisseurs ont réussi à s'entendre sur un montant de rançon, le montant n'était plus de 1 million, mais on parlait plutôt de $500 000 là, après plusieurs semaines de négociations. Normand Maltais et Claude Poirier ont été choisis pour être les émissaires, donc pour aller porter l'argent aux ravisseurs. Alors, il y a eu quand même deux tentatives d'échange qui ont complètement été ratées. Parce que, bon, les ravisseurs avaient aussi donné certaines conditions. Bon, l'argent devait être dans deux valises, il ne devait pas y avoir de dispositif électronique, il ne devait pas y avoir de policiers. Et lors des tentatives d'échange, certaines de ces conditions-là n'étaient pas respectées au goût des ravisseurs. D'ailleurs, même, il y a, lors d'un de ces tentatives d'échange, les valises étaient bourrées de carton. Donc, on ne parlait pas du tout d'argent. Et ça, ça s'est fait à l'insu des deux émissaires, les deux journalistes qui ont d'ailleurs critiqué vertement la stratégie des policiers, disant, ben ça aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Ouais, Claude Poirier, qui en a vu d'autres, pour ceux de nos auditeurs qui le connaissent, et ils sont nombreux, dans ses mémoires en parle en disant c'est inacceptable, parce que, en fait, la police s'est essayée, mais ça mettait effectivement la vie de M. Marion en danger. Là. Oui, et peut-être même des émissaires. Absolument. Aussi, si les ravisseurs avaient constaté ça tout de suite, ça aurait pu avoir des conséquences importantes. Et la famille était aussi très fâchée de ça, disant, qu'est-ce qui est important là, dans tout ça? Est-ce que les policiers ont comme objectif de attraper les ravisseurs ou de libérer Charles Marion? On se posait beaucoup de questions. Ouais. La tension va être assez grande, d'ailleurs, entre la famille et les forces policières et les enquêteurs, la façon dont est menée l'enquête, le peu d'informations que la police transmet à la famille. Les tensions vont être grandes aussi. Oui, effectivement. Effectivement, il y a toute la question des soupçons aussi, parce que il y avait aussi, on soupçonnait le fils de Charles Marion d'être complice de l'enlèvement de son père. Même Charles Marion était considéré... il y avait des soupçons, il y avait des doutes là, sur son intégrité. Ça, c'est absolument fascinant et c'est une des raisons, je reviens au tout début de notre entretien, pour lesquelles le fils de Charles Marion est encore aujourd'hui très, très amer et il en parle dans ce livre qu'il a publié en 2013, Pierre Marion. C'est ses soupçons qui ont pesé contre la famille, contre Charles Marion lui-même. Je vous propose un extrait, Annie Corriveau, d'un micro-trottoir qui est réalisé dans les rues de Sherbrooke le 10 octobre 1977. Vous allez voir, Paul Toutant le dit dans son reportage. Il parle d'hypothèses farfelues alimentées par une certaine presse à sensation. Ça a probablement participé à ses soupçons, mais le résultat, c'est ce qu'on entend. Vous allez voir, beaucoup de gens sont suspicieux. Oui. C'est bien difficile à me faire une opinion de ça. C'est bouleversant. C'est arrangé, ça, je pense. Oui, vous y croyez pas? Non, je crois pas ça pour un doute. Ah, mon Dieu, là, je suis rendu que j'ai arrêté de m'en occuper, c'est-à-dire de lire les articles, je tenais. Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Non, pas du tout. Je trouve qu'il y a un peu trop de flash là-dedans. J'ai peur pour les gérants de caisse, puis ceux qui travaillent dans les caisses aussi. Ben voyons, quand ça prend du temps de même, là, il y a quelque chose là-dedans, certain. Moi, je dirais bien plus que c'est lui qui a organisé son enlèvement. C'est un sujet de conversation ici? Ça l'a été, oui. Ah oui. Ça l'est plus? Ça a même fait... J'ai même un de mes amis qui a commencé une chanson. Ah oui! Monsieur Marion, mais je me souviens pas des mots. C'est vraiment fascinant, Annie Corriveau, une chanson. Alors, vous le disiez tout à l'heure, mais tout le Québec suit cette histoire-là. Là. C'est vraiment c'est une saga, ça dure très longtemps, 82 jours, le plus long enlèvement de l'histoire au pays. Mm-hmm. Mais c'est vraiment très, très suivi. Oui, très suivi. Et c'est drôle parce que j'en parlais à des collègues un peu plus âgés ici à Sherbrooke, dans notre station. Et les gens s'en rappellent encore de cette histoire-là. On disait, on ne parlait que de ça là, à un certain moment donné. Et bon, toutes ces rumeurs aussi ont fait, on voit les gens sont de moins en moins favorables à la cause de M. Marion. On sait pourquoi, mais c'est qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé. Bon, est-ce que c'est parce que l'enquête piétinait ou que les policiers avaient certaines raisons de le faire, mais il y a des policiers qui auraient mentionné à des journalistes qu'il était impossible qu'une séquestration soit si longue et que même la voix entendue d'un des ravisseurs sur les ondes lors d'une tentative d'échange était celle de l'otage. Donc, il y a certains médias qui ont alors laissé entendre que Charles Marion pouvait être complice de son propre enlèvement. On parlait de supercherie, de fumisterie, les mots étaient très durs et ce qui a soulevé, on l'a vu, de sérieux doutes là, dans l'esprit de la population qui est devenue sceptique. Imaginez, il n'y avait pas de réseaux sociaux là, à l'époque. Et l'affaire, ça suscitait beaucoup de questions. Pourquoi enlever un gérant de crédit d'une caisse à Sherbrooke et demander 1 million? Pourquoi c'est si long? La secrétaire ligotée des gens disait, c'est peut-être sa complice finalement. Les rumeurs allaient vraiment bon train. Bon, il reste que Charles Marion est détenu pendant 82 jours dans d'atroces conditions. 82 jours, c'est près de 3 mois. On l'écoute raconter ce qu'il a vécu à Gaby Drouin dans une entrevue diffusée le 27 janvier 1978. J'étais attaché pendant 83 jours avec une chaîne aux pieds et une chaîne au cou. Qui vous faisait mal? Non. Parce que j'avais des bas de laine, puis au cou, j'avais un gilet à col relevé, et puis j'avais mis une guenille en dedans du cou pour pas que la chaîne... pour pas que la laine, si tu veux... Vous aviez froid? Pas dans les premiers temps. Est-ce que c'était un endroit humide où vous étiez détenu? Très humide. Oui. Très humide, l'eau suintait sur les murs. Est-ce qu'ils venaient souvent, les ravisseurs, ou des personnes faisant partie du groupe de l'enlèvement? J'ai eu affaire à 2 individus. Qui vous parlaient? Qui me parlaient quand ils venaient. Mais il n'y avait pas de conversation soutenue. Qu'est-ce, avoir mon opinion. Ils ne voulaient pas, tu sais, c'était eux autres qui me donnaient le bal, c'était pas moi. Mais de quoi parliez-vous? Bien, moi, je leur demandais quand est-ce que vous allez me relâcher. Ah, on va te relâcher, ça peut prendre encore 3 jours, ça peut prendre encore 5 jours, maximum une semaine. T'as de quoi manger, t'es à l'abri. Vous mangez quoi? De raison, on peut pas te loger dans un Holiday Inn. Mais là, on va être obligé de te garder ici. Si ça dure trop longtemps, essayez de me trouver un autre endroit. Bon, vous l'aurez pas... Parce que vous trouvez, vous voyez que les conditions sont... Oui. Sont assez pénibles ici. Et on dit là, on peut pas... Est-ce qu'ils vous menaçaient d'exécution? Non. En aucun temps, ils m'ont menacé d'exécution. Mais est-ce que vous avez pensé à un moment donné qu'ils pouvaient aller jusque-là? Évidemment que j'ai pensé qu'ils pouvaient aller jusque-là. D'après moi, c'était la suite logique de mon affaire. Mais ben, plus le temps passait, surtout. Ce sera donc très, très dur, on l'entend dans cet extrait d'entrevue accordé par Charles Marion. Endroit très, très humide, nous dit-il dans cet extrait à Nicorivo. En fait, il est carrément dans un trou sous terre, là. Exactement. Lorsqu'il a été enlevé, bon, il a été amené à Gould. C'est une petite municipalité à une 50aine de minutes à l'est de Sherbrooke. Bon, ils ont fait une marche aussi dans la forêt d'une bonne 20aine de minutes. Et c'était un abri souterrain dans lequel on le gardait. Charles Marion a surnommé un de ses ravisseurs le boss. C'est lui qui l'a accueilli à l'entrée de ce trou, en fait, en lui disant, bon, ben voilà, t'es arrivé à ta chambre d'hôtel, c'est ici que tu vas passer du temps. Et c'était pas un Holiday Inn. C'était pas un Holiday Inn. C'était bien camouflé aussi. On accédait à cet abri souterrain par une trappe. Il y avait un petit tunnel aussi qu'il fallait faire. Et c'était un espace très exigu sous la terre, environ 3 mètres par 2 mètres. Charles Marion disait bon, qu'il tentait de garder un peu la forme, mais il pouvait faire 4 pas. Il faisait des allers-retours comme ça pour essayer de garder un peu la forme. C'était un plancher quand même en ciment. Les ravisseurs avaient, selon ce qu'on a pu apprendre dans le procès, fabriqué cet abri-là quelques années auparavant. Donc, c'était un coup qui était préparé à l'avance. Le plancher est en ciment et c'est là, il y avait un anneau aussi au plancher et c'est par cet anneau qu'il était enchaîné. Il avait une chaîne au cou et une chaîne à la cheville. C'était très humide, évidemment, sous la terre. Ouais. Et il avait là-dedans bon, un matelas et du ravitaillement. Il mangeait pas énormément de... Bon, il y avait des canages, des viandes froides. Les ravisseurs lui apportaient aussi des cigarettes et de l'alcool, beaucoup de gin, et aussi des somnifères. Il lui fournissait ces somnifères-là. D'ailleurs, bon, Charles Marion en avait conservé une certaine quantité en se disant, ben, si un jour j'en peux plus, je vais les prendre avec l'alcool, ce qu'il a fait. Deux fois, deux tentatives de suicide. Il a fait 2 tentatives de suicide. La première est arrivée autour de la 6e semaine de captivité. Donc, il a pris les somnifères. Bon, il a été malade, mais il n'a pas... Bon, il a survécu. Et la 2e fois aussi, il s'est mis un sac de plastique sur la tête et à la dernière seconde, il l'a enlevé en disant, bon, finalement, je veux vivre. Et il était complètement laissé à lui-même. Aussi, on peut comprendre que c'était difficile. Là, ses gardiens ne faisaient que des visites éclairs. D'ailleurs, il y en a un qui l'a surnommé son chum parce qu'il lui semblait plus sympathique que le boss qu'il avait accueilli à sa chambre d'hôtel. Ça dure 82 jours. Oui. Il va finalement être libéré le 27 octobre 1977. Comment ça se passe, Annie? Ben, en fait, les ravisseurs ont finalement contacté directement la famille pour réclamer une rançon de 50 000 $. En fait, cette somme-là devait servir à couvrir les frais de l'enlèvement et de la séquestration. Donc, compte tenu qu'on avait échoué les tentatives d'échange pour des montants plus importants, les ravisseurs ont réclamé 50 000 $ finalement. La famille, les amis ont réussi à amasser la somme et c'est Pierre Marion, le fils de Charles Marion, qui est accompagné de son oncle. Il y a un policier aussi qui étaient cachés, armés sur le siège arrière de la voiture, qui se sont rendus sur une route de campagne pour lancer le paquet d'argent à l'endroit qui avait été indiqué par les ravisseurs. M. Marion a raconté que ça a été un moment très intense, un moment de stress très intense, ce largage de l'argent. Et ce n'est que le lendemain que les ravisseurs ont contacté la famille pour indiquer où se rendre pour récupérer Charles Marion. Le leur ont dit rendez-vous à l'aéroport de Sherbrooke dans le secteur des Stangis et klaxonner dans le stationnement. Bon. Parce que Charles Marion, de son côté, lui, c'est à l'arrière d'une moto que, bon, les yeux bandés, il a été conduit dans un boisé près de l'aéroport et on l'avait laissé là avec une lampe de poche en lui disant « Lorsque vous entendrez des klaxons, dirigez-vous vers la direction du son. » Et c'est comme ça que Pierre Marion a retrouvé son père. Il a raconté, d'ailleurs, avec beaucoup d'émotion, là, ces retrouvailles-là avec son père qui avait beaucoup changé physiquement. Oui. Évidemment, la barbe avait poussé, il était amaigri, faible aussi, dans un état plutôt lamentable. Et il a été conduit immédiatement à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Sherbrooke pour récupérer un peu. Et bon, vous l'avez dit, ça, c'était le 27 octobre 1977, donc plusieurs jours là, après son enlèvement. Les ravisseurs seront arrêtés à Nicorivo. Qui sont-ils et comment on les rattrape finalement? Ben, il a fallu attendre le 23 juin 1978, soit 8 mois plus tard, pour mettre la main sur un premier ravisseur dans un bar de Sherbrooke. Il avait été remarqué par un gardien de prison qui se trouvait là. Il l'a reconnu. Michel de Varenne était un évadé de la prison de Saint-Hyacinthe et surprise, lors de son arrestation dans le bar, il a tenté de s'échapper, mais surtout d'avaler un billet de 20 $ parce que, bon, c'était finalement un billet codé qui était relié à la rançon. Et il a fini par tout avouer. Oui, il a été condamné à 12 ans de prison pour enlèvement, séquestration, tentative d'extorsion de 500 000 $ et extorsion de 50 000 $. Il a dénoncé ses complices, dont celui qui a longtemps été présumé le cerveau de l'affaire, Claude Valence, qui lui, par contre, s'en est sorti très bien. Il a été condamné à 6 ans pour extorsion de 50 000 $ à la famille. Et c'est tout. Les autres chefs ont été rejetés par le jury. Et l'avocat de Valence, Maître Jean-Pierre Rancourt, a dit au jury... Monsieur Marion était soit partie prenante de son propre enlèvement ou Claude Valence pensait qu'il l'était. Et c'est de cette façon-là qu'il a convaincu que le jury qu'il y avait un doute raisonnable l'accusation portée contre Monsieur Valence. Et dans le fond, on a joué beaucoup sur la possible complicité de Charles Marion. Même dans au procès. C'est même au procès. On a fait témoigner des gens qui disaient l'avoir vu pendant qu'il était captif et de l'avoir vu circuler dans les rues de Gould, entre autres. Et il témoignera, Charles Marion, mais avec difficulté. Hein. Il est très, très nerveux. Il a peur, en fait. Oui, parce qu'il est très anxieux, très stressé. Son fils disait il n'a pas reconnu la voix du boss, la voix de Claude Valence. Il ne l'a pas reconnu. Alors, évidemment, ça a joué contre lui. Monsieur Marion, le fils, se disait, je pense que mon père avait peur peut-être des représailles. Ouais. Un mot en terminant sur la suite, ce sera pour lui, il s'en remettra jamais à Charles Marion, une lente descente aux enfers. Il va finir par se suicider d'ailleurs, mais c'est vraiment la descente aux enfers. Oui, il a été très affecté par l'événement, sa séquestration, mais surtout aussi par les doutes quant à son implication possible dans le drame qu'il avait vécu. Il n'a plus jamais été le même homme selon son fils. Il a développé une bipolarité. Il a connu des épisodes désastreux. Sa femme l'a quitté. Charles Marion a d'ailleurs vécu le reste de sa vie auprès de sa maîtresse, celle-là même qui avait été ligotée, là, qui avait été témoin de l'enlèvement. Il s'est isolé de plus en plus et il s'est enlevé la vie le 2 décembre 1999 à son chalet, d'ailleurs, là où tout avait commencé. Annie Corriveau, journaliste à Radio-Canada en Estrie, merci beaucoup de nous avoir rappelé pour les plus vieux, Annie, cette histoire-là. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.